des affaires pour être compris. J'suis pas sûr que j'vais réussir, mais tant pis. On me check sans cesse, du coup j'ai 40 projets dans la tête. Pour me déstresser, je me jette dans le nord, comme sur une autre planète avec une tournée dans le corps. Kobna, à temps plein, j'ai pas à me plaindre. Au moins, je suis actif, mais difficile à rejoindre. Yeah.